the party open. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that. Tous les dimanches soirs, c'est Skyrock Classics avec Coolio à l'instant. Coolio, c'était 1, 2, 3, 4. Et le son continue avec que des classiques jusqu'à 20h. Vous connaissez le programme, c'est Skyrock Classics avec Who's That Girl. Il y a Eve qui débarque. Eve a retrouvé Jay-Z aussi, Hard Knock Live du CFU version Skyrock. Mon public a écouté. Et ce soir, à partir de 21h, loupez pas la radio libre de Difool. C'est l'émission où on se marre le plus sur la bande FM. Écoutez. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classic. Rough Riders. You know, Teflon. Eve. Yo, yo, yo, they wanna know. I make a gang of cash, like glam, still street with the do-rag. Slang, spit, gang, change speech, how they do that? Watch they mouths drop, watch the crowds pop up and act out. Brawls with the screw face, smash on and knock out. Ain't change, ain't no run me, I run the game. If I gotta keep it green, so be it. I'm supposed to change like simple. Dizzy brawls ain't fucking with my mental. Natural born hustling, bitch, check what I've been through. Got mine, took it from you, and now you slot mine. Exact to my own shit, dog. I'm on the dot com. Prepared for me. Mad cause the image I don't care to be. Realness, real shit, spit reality. Attitude rude, that's the Philly and I. Need me in the game, I'm the thrill in your life. Breath of fresh air, little boys hang me on they wall, grow them chest hair. Why you listen to other shit, you got the best head. Come on, try your luck, shorty, I got the rest scared. Bet you anything, you ain't ready and you get left there. Ain't known for front and vouch for my behavior. Same way they get down, I get down for this paper. 16, mean for my pen, so you can test. I still need to know who I am and cop the record. Take it like a class on me and learn the lesson. Bottom line, my world, my way, any question? Shit, I was born to shine, and most of y'all's borderline bullshit. Know exactly what I want for me, you cats is clueless. Those foes will flow through my hands like water. Keep stocks growing for my son on my time. Eve wanna own cash, fuck what you bought her. He spin you old, that's what mommy taught her. So hardball is played, won't start the day. Song after song I write so I get paid. Thought I wasn't following up with the second round. Now bitch, swallow it up while I shove it down. Make them love me over again and over your name. Bet you they get over your style and over your fame. Why you looking sad at me? I ain't to blame. Back to plan B, baby, I can feel your pain. Now say my name, y'all.

Ils disent que mon public a 14 piges, qu'ils stampent l'école en 5ème pour poster au feu rouge. Qu'ils n'achètent pas mes CD, qu'ils volent ou téléchargent dans le parking, dans la Super 5, mon son, dans la OCP. Ils me disent tous, ton public est misogyne, qu'il n'y a que des bonhommes, que des femmes font la cuisine. Mon public n'aime pas l'insigne, les juges les saignent, les assignent en justice. Longue peine à cause du commis d'office. On me dit que ma musique active le Bluetooth. Mon public écoute Skyrock, mais allez, c'est dans la fosse. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public roule en Porsche, non, non la famille. Mon public télécharge, c'est rien la famille. Mon public pas commercial, mais allez, la famille. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public est dangereux, non, non la famille. Mon public adore le foot, c'est pas la famille. Mon public pète la foire, top la famille. Mon public est dans les salles de sport, il fait des abdos, il fait pousser ses tablettes jusqu'à Amsterdam. Il se démarre dans la webcam, critique sur internet, se balade dans tous les forums de hip-hop sous son pseudonyme. Mon public, il va de la fac à la prison. Je passe un grand salam à mon frère qui, quand ils m'ont cédé, allait demander à gauche. Mon public sont des gens intelligents, souvent méchants, riches de problèmes sans argent. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public roule en Porsche, non, non la famille. Mon public téléchargent, c'est rien la famille. Mon public pas commercial, mais allez, la famille. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public est dangereux, non, non la famille. Mon public adore le foot, c'est pas la famille. Mon public pète la foire, top la famille. Quand j'arrive en concert, mon public fait, c'est des galons russes qu'on fait. Molotov 4 pour ami par mimi. Mon flow est arrivé en jet privé de Moscou. Mon public a une poêle dans la tête, pas celle du commissariat, mais celle de Benzema. Il est mis en examen, des médecins les examinent. Mon public fait des études, il passe des examens. Crouille, il va de la Suisse à la Belgique, à la France, West Indies, Maroc, Algérie, Tunisie, Dakar, Bamako, Comoria, jusqu'en Asie, en asile, en exil, jusqu'en Amérique latine. Y'a des selfies Molotov du collège, des selfies Molotov du lycée, Molotov des quartiers. Je remercie mon public, fait à base de Kaira, mais aussi de gens bien. Avec ça, ça ira. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public roule en Porsche, non, non la famille. Mon public téléchargent, c'est rien la famille. Mon public pas commercial, mais allez, la famille. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public est dangereux, non, non la famille. Mon public adore le foot, c'est pas la famille. Mon public pète la foire, oh, top la famille. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public roule en Porsche, non, non la famille. Mon public téléchargent, c'est rien la famille. Mon public pas commercial, mais allez, la famille. Mon public est une Kaira, si la famille. Mon public est dangereux, non, non la famille. Mon public adore le foot, c'est pas la famille. Mon public pète la foire, oh, top la famille. Au top, Skyrock Classics avec C'est Few, mon public en version Skyrock. Un son qui ne passait qu'ici à l'époque, c'était C'est Few donc. Et attention, demain matin, un autre truc qu'il n'y a que sur Skyrock, c'est le match PSG contre Manchester City. On vous offre tout, la totale, le transport, l'hôtel et le match à Manchester. Le match retour de la Ligue des Champions, c'est pour vous demain à 8h moins le quart. Soyez bien à l'écoute de D-Fool. Dans le morning, il n'y aura pas que ça à choper, des chèques de 1 500 € si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. On appelle dans tous les annuaires de France et sur les inscriptions dfool.skyrock.com. Allez faire un petit tour pendant que vous écoutez l'émission Skyrock Classics. Ça continue tout de suite avec 50 Cent, c'est Window Shopper à écouter. Et Alicia Keys, Nicki Minaj juste après Girl on Fire. En version Skyrock aussi. So much better. Should I use a window shopper? Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store looking at shit you came by. Should I use a window shopper? In the dealership trying to get a test drive. Don't use a window shopper. Mad as f- when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack, but I'm filthy. Funny how I get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my. They know the kid ain't going for all that boat. Try and stick me, I'm a little for folk. It ain't my fault you done f***ed up your re-up. At the dice game, who told you pull a G up? Everybody mad when they paper don't stack right. But when I come around, y'all better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. When we rollin', check your lock down. Quick to put a f*** when you jump. When we rollin', you use a window shopper. Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store looking at shit you came by. Should I use a window shopper? In the dealership trying to get a test drive. Don't use a window shopper. Mad as f- when you see me ride by. Love me in LA as soon as I pop in. They come and scoop me up at LAX and I hop in. And when it comes to bed, you know I got them. Some from Long Beach, some from Watts, some from Compton. You know when you wanna see how Cali girls freak off. After that 5-hour flight from New York, I start spitting G at a like a pimp, man. Tell her, meet me at the Mondrian so we can do our thing. She can bring the lingerie with her, I suppose. So we can go from fully dressed to just having no clothes. She can run and tell her best friend about my sex game. Yeah, her best friend could potentially be next, man. Listen, man, change. I came up, I'm doing my thing. Homie, I'm holding, man. The store on the watching you. For something gets stolen. Yeah, you're a window shopper. Mad at me, I think I know why. Jada, use a window shopper. In the jewelry store, looking at shit you came by. Joe, use a window shopper. In the dealership, trying to get a test drive. Nard, use a window shopper. Mad as when you see me ride by. Skyrock Classics. Spirit of Marilyn calling me audibly, bawling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that, but I got him Aggie, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Ain't nobody checking me. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Vaya, y me quedo la Cushen. For my people. Yeah, salif. Directamente desde la República de Cuba. 2006. Orishas. Player. J'ai rien à vendre, donc rien à foutre des mauvais payeurs. J'suis dans le biz, micro test, one check, on voit le beat. Je suis poteau, ouais, c'est moi le chef. Soir, c'est ambiance ghetto, tendance béton. On critique pendant que ton fils, lui, est en train de pépon. Notre façon de parler, comme la façon dont on a de se saper. Ils se mettent même à rapper. C'est la guerre, j'donne aux guerriers ce qu'ils veulent. Ton rap, il fait la gueule. Sape comme nous, écoute notre dernier single. On fout le cœur, tu t'équipes, t'as les requins, le red skin. T'achètes mon skieu, des mois, j'fais ce qu'ils vont rapidement. Jet ski, c'est grosse caisse, c'est disque d'or, tout niqué, c'est le mot d'or. De la zik de gogol, de la musique de bonhomme. Eh, hey, t'écoutais du hard, t'es passé au RAP. Tu crois dans GTA et tu penses plus qu'à déraper. Tu pendant que chez nous, ça vend du shit pour s'acheter des Nike et palper du fric. Ça fout la trouille, hein, ça vous la coupe, hein. Vos gosses puissent fantasmer sur l'endroit d'où je viens. Moi j'en ai l'odeur et le goût, hein. Sans décodeur, écoute, mon son du pouce est fini en bande d'écoute. J'ai bercé ton enfance bien avant que le rap braque les tchats et soit à la mode en France. Tu fous la merde en cours, hein. Trop d'embrouilles sur ton parcours. On a dit, t'as pas payé mais tu l'as volé. On t'a acheté une Twingo, mais toi tu veux un BM. Un putain d'engin qui te PS, qui aille avec tes TS. Je vais mal comme un carton, MC carton dentier. Je rappe pour les mauvais garçons qui vont au charbon ganté. Ta mère te voyait avocat, aujourd'hui t'en aurais bien besoin. T'as fini en GRV juste à cause d'un joint. Classics. Yo, what's up, y'all? This is Jeremiah, and you are now tuned in to Skyrock, right here, right now. Exclusive. Skyrock. It's your birthday, so I know you want to ride out. Even if Skyrock is in your house. Sipping wheezy as we sit upon my couch. Feels good, but I know you want to cry. You found it. Get ready for action. Skyrock has found it. We switching positions. You feel surrounded. Just tell me where you want your gift, girl. Girl, you know I. Girl, you know I. I've been fiending. Wake up in a late night, been dreaming about Skyrock. Girl, you know I. Girl, you know I. Don't need candles and ink. Just need your body to make birthday sex. Birthday sex. so sweetly, tastes just like Hershey's. Just tell me how you want your gift, girl. Girl, you know I, girl, you know I. I've been fiending, up in a late night, been dreaming about your loving. Girl, you know I, girl, you know I. I've been fiending, up in a late night, been dreaming about Skyrock. I'm gonna take a dive into the water deep until I know I please that body, body. Or girl, without a broom, I might just sweep you off your feet and make you wanna tell somebody, body, how I do. Or maybe we can float on top of my water bed. You close your eyes as I improv between your legs. We work our way from kitchen stoves and tables, girl, you know I'm more than able to. Yeah. Entre 18h et 20h, la nouvelle émission qui déchire avec les meilleurs sons de Skyrock. C'était Jeremiah et Birthday Sex. Et l'émission que vous écoutez s'appelle Skyrock Classics avec les meilleurs sons de Skyrock. Depuis toujours, depuis qu'on est premier sur le rap. Et d'ailleurs, tiens, on est premier sur le rap et premier sur Snoop Dogg avec Wiz Khalifa. Young, Wild and Free à écouter avant 19h sur Skyrock. Gros son d'Arc Kelly aussi avec The Game, Players Only. We wear them chicks be jerking their bodies. Up in the club where they get real naughty. They come from here to the private party. Where there ain't nothing but players only. Skyrock Classics avec Snoop, R. Kelly. Ça se passe avant 19h. Et attention, vos places de foot pour le PSG à gagner demain dans le morning de Difool. Et peut-être que Paris sera champion, mon frère, si on arrive jusqu'au bout. Champion, mon frère. Écoutez, c'est demain 8h moins le quart. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec Rof, qui est l'exemple sur Skyrock? Ouais, toi qui m'écoutes là. On tient le message. Qui est l'exemple? Moi je vais te dire la vérité. Ne fonce pas déconner, joue pas au rebondé. Tu te feras détrôner, faudrait mieux raisonner. Ne fonce pas déconner, la fesse pas tu me connais. N'est pas la rétonner, on sait plus que trop qu'on est passé. On dit en banlieue, tu peux lire la routine, l'amertume à travers la rétine de mes yeux. Parmi les victimes du système, je suis le narrateur du pourquoi. Ce mode de vie, on en connaît tous la cause, mais bon voilà quoi. Faut faire quelque chose pour nos rejetons. Et si je t'en parle, parce que nos mères ont les jetons. Avis à la génération bouton, 10 à la vingtaine, tourne le bouton. Prête attention aux messages très importants. Considère ces informations comme une alerte. Toi qui es en pleine formation, avant que mon pouce soit déclaré inerte. Qui m'incombe d'éviter de courir droit à ta perte. On se met blessé d'illusion, la plaie bien ouverte en plus de la télévision. Et l'influence que porte le mauvais exemple, sur bitume l'engrenage. Plus en plus ample, mais qui est l'exemple? Est celui qui s'instruise, détruit en séjournant en tôle en faisant du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Celle qui s'instruise, détruit en pensant qu'à se divertir, mec, et de boîte de nuit. À tous les grands frères, toutes les grandes

because I love a G-Shock. Like Big and Pac, I'm hard to forget. What makes it even worse? I'm just getting started. Yeah, that's me that's got your daughter in a frenzy. Yeah, that's me that's gotta argue with her friends about who gon' get me when they see me saying, do you see him? Oh, he the man. 13 game block, don't trip. All that in a bag of chips. Hi, my name is Wow Wow Wow. Yippee yo, yippee yay. Where am I? Wow, wow, yippee-yo, yippee-yay. Woof, motherfoof, the dog came to play. Calgon, Calgon, take me away. I'm in the dirty, dirty with my nephew Jay. Dizzy, Izzy, boy, we getting busy. With Lil Bow Wizzy, this off the hizzy. I throw him like a frisbee, and yeah, he came back. Like a boomerang, dog pound game. $100,000 chains. What you say, JD? Bling, bling. Money ain't a thing. You ask me again, and I'ma tell you the same. I'm flipping on these while I'm tripping on these tripping mice. Buck one, buck two, buck three, buck four. You're standing on the wall, busser. But you can't trust her. That's good game. Now all my represent your thing. Put it up. Now click, clack it up and all the back it up. Cause I wanna smack it up. We do it till your doggy style. Big bow wow in your mouth. Bow wow. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. And all my girls around the world that love, I was going down, say. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. And all the girls around the world that love, I was going down. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. And all my girls around the world that love, I was going down, say. Bow wow. Vous voulez une histoire, les enfants? J'ai une petite histoire pour vous. Quand je vois un film d'horreur, je m'identifie au tueur. Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, on t'avait pas menti. J'ai dégusté son foie avec un excellent Chianti. Je t'invite à ma table, j'ai cuisiné un bout de ton cerveau. Puis jette ta carcasse au cochon, nettoyer les os. Je me lèche les babines et tu rigoles comme si t'as pas vu Shining, Jack Nicholson. Pourquoi je débloque? Tu veux savoir? Viens, mon bloc construit sur un cimetière indien. Merde, j'en ai jamais marre des crimes. Au fait, faut que j'aille remettre mon masque de scream. Devine qui va t'appeler? Allô? Oui? Moi je tue toute l'année, qu'est-ce que je m'en fous d'Halloween? Ah, où est le gardien du campus? Il est die. En temps de guerre, il me filerait une médaille. Pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. Gratuitement, sans contrat honoré. Et pour toi, c'était pas l'heure de faire un tour dans la forêt. J'aime bien le goût délicat qu'a la jeunesse dorée. Les fils à papa, je te les soigne façon gorée. Et où tu vas t'échapper avec tes jambes en charpie? Ça va être un putain de puzzle, ton autopsie. Tu connais les preuves pour être un meurtrier crédible? Faire dégueuler le médecin légiste. Moi je fais pas de fric avec les morts comme Buffy. Je veux juste un peu mordre. Amenez-moi Buffy et les trois sœurs de Charm. Tu sens la raideur de mon arme. Au fond, je m'en bats les couilles, de quoi t'as l'air, bitch. J'ai même niqué la sorcière de Blair Witch. Attends, je crois que j'ai oublié un détail. Hein? Quoi? En temps de guerre, il me filerait une médaille. Dans mon bis, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon bis, pas de rival. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. Tronçonneuse allumée, faut que j'en remette une couche. Toi t'es comme Tony, attaché dans la douche. Oublie Mani, la blonde en maillot bleu la saignée. C'est ma complice, une vampire dans le sang, elle aime s'y baigner. Je vais aller à Monaco m'occuper du prince régné de Stéphanie. J'ai eu le tuyau par son mari, celui qui a niqué la stripteaseuse au bord de la piscine. Au fait, pour les cadavres, y'a pas mieux que l'acide. À force de découper, faire des trous, j'ai mal au dos. Ta femme était trop belle, Brad Pitt. Moi c'est John Doe, pas Don Joe. Celui-là aussi je l'ai liquidé, ce petit français, il faisait style sourcil français. Quand je suis arrivé, mais t'inquiète, il a pas souffert. J'ai tiré direct dans le cœur, puis son ventre, je l'ai ouvert. Son foie comme d'hab, je l'ai mangé. J'ai mis sa tête dans un bocal, un souvenir. Et je me suis greffé ses cordes vocales. Dans mon vide, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon vide, pas de rival. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. Dans mon vide, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon vide, pas de rival. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Call me a doctor. I need a doctor, doctor, to bring me back to life. Play it back. just yesterday, though. You walked in, yellow jumpsuit, homeroom, crack jokes. Once you got inside the booth, told you. Mike smoke with the friends, some of them I put on, but they just left. They said they was riding to the death, but where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them, all I see is Slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you bout to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the crackers ass. Lil' Cracker Jack B, making whack ass backwards producers. I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream, Trey, don't leave us like that, man. Cause c'est Skyrock Classics tous les dimanches entre 18h et 20h avec un bon Dr Dre et Eminem. C'était I Need a Doctor à l'instant sur Skyrock. Réveillez-vous demain entre 6h et 9h avec le meilleur morning. Le réveil, ça se passe sur Skyrock avec des iPhone 6S à gratter, des Samsung Galaxy S7 et des chèques de 1 500 € si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Ça se passe dans tous les annuaires de France. 10 fous l'appel chez vous et vous demande quelle est votre radio préférée. Et pour augmenter vos chances, vous pouvez aller faire un petit tour ce soir pendant Skyrock Classics sur le net, c'est skyrock.fm, et sur le 10fool.skyrock.com, remplissez un formulaire et peut-être qu'on va tirer dans la liste des inscrits pour appeler chez vous et vous filer du cash. Et attention, autre bonne nouvelle, demain le match PSG Manchester à Manchester avec l'hôtel et le transport compris, c'est pour vous. Soyez là demain dès 6h avec D-Fool sur Skyrock. Et soyez là tout de suite avec Fat Joe, Ja Rule et HNT, c'est What's Love sur Skyrock. Le son de Fast and Furious juste après, c'est We On It, signé 2 Chainz et Wiz Khalifa. Et attention, gros son de Cynic, S-I-N-I-K est de retour sur Skyrock, c'est Cœur de Pierre. Écoute Skyrock Classics, animé par Maxime. Put the fucking mic on. Mic is on. Joe cracked it on, About us, be about us. What's love? Got to do it. What's love? It's about us. It's about just me. What's love? Got to do. Got to do it. Let you know from the gate, I don't go down, lady. I want a chick with thick hips and licks her lips. She could be the office type, but like the strip. Girl, you get me aroused, how you look in my eye. But you talk too much, man, you're ruining my high. I wanna lose the feeling, cause the roof is ceiling is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women, and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to triz with us. You say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few and she could come too. That's love. Got to do, got to do it, man. What's love? It's about us, it's about just me. What's love? Got to do, got to do it. But you need to understand that you got something with you. Ass is fat, frame is little. Tattoo in your chest with his name in the middle. I'm not a hater, I'll just crush a lot. In the way you shake your booty, I don't want you to stop. You need to come a little closer, closer. And let me put you under my arms like a dawn is supposed to. Please believe you leave with me. We be freaking all night like we was on E. You need to trust the guard and jump in the car for a little heartache at the Taj Mahal. What's love? Got to do, got to do it, babe. What's love? It's about us, it's about just me. What's love? Got to do, got to do it, babe. What's love? It should be about us, it should be about just yo, me. Yo, what's I stroll love? In the club with my hat down, Michael Jack style, high stepping, who the Mac now? Not my fault that they love the kid, might be the chain or the whip, I don't know what it is. We just party and bullshit. Come on, mommy, put your body in motion. You got a nigga open. You came here with the heart to cheat, so

Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. J'aurais peur de le perdre. À vie de tempête, j'ai les symptômes du cœur de pierre. Je sais très bien que le plus dur m'attend. Et si on couche en ignorant le blast de la future maman. Sentiment balafré, pour nous c'est pas la fête. Dans les ghettos, le mot je t'aime c'est jeté par la fenêtre. Alors dis-moi de réussite, quelles sont mes chances. Si ce petit con du cupidon est enfermé dans un bidon d'essence. J'avoue c'est dur, l'amour simule assidûment. Sans doute là c'est du bon, entre les doigts te file au fil du temps. J'aime ma mère, les moments rares où je souris sont devant elle. M'amène, donne-moi de l'or et je l'emmène. Dans la famille, je te le confirme, l'amour est mort. Et que Wallen vienne me prouver que j'ai tort. Tant mieux pour toi si tu le donnes aux petites garces. En 2003, la banlieue sud n'est pas le monde à Charline Gaz. Ma vie tempête, j'ai les symptômes du cœur de pierre. De toutes ces femmes au passé trouble. J'suis encore jeune, j'veux pas me casser les couilles. Au rayon paquet de couches. Faites l'amour, pas la guerre, disait le slogan. Ici y'a pas de mec tendre, on fait les deux en même temps. Beaucoup t'en parlent parce que beaucoup en sont capables. Mes sentiments sont en gardable et mon sourire laissé dans mon cartable. Je rêve d'une meuf qui rêve de moi, pas de mes droits d'auteur. Partout dans les cités où les étoiles te font des bras d'honneur. Paradoxale, je rêve d'une chose que je n'ai jamais eue. Je t'ai pas tout dit, l'amour est une toupie. J'ai tout compris depuis tout petit. Les femmes t'embrassent mais t'oublient. Je n'aime que le shit et le peurat en apparence. Patience, les sentiments sont en partance. Pas de chance, évitons de se leurrer. Je ne sais plus où je vais. Mais sache que tous les lascars se cachent pour pleurer. À mon avis, la vie t'apprend à baiser le hall, à faire des caresses à la mort. Dominé de la tête et des épaules. Je ne peux vivre, tu vois ce que je veux dire. L'amour te dit au revoir, merci pour tout. Je me tire. Et toi t'espères mais t'as tort. Tu souffres et t'attends. Tes plus beaux rêves se sont fait percer la gorge. Tout le monde sait que sans les miens je serais malade. Je serais sans doute pas là. J'aurais foutu en l'air ma life. Ma vie de tempête, j'ai les symptômes du cœur de pierre. Qui rappelle grave des souvenirs à Laura justement sur Twitter. Cynic, ça fait trop plaisir de l'entendre dans la voiture dans Skyrock Classics. Et ouais, Skyrock Classics, le rendez-vous avec les meilleurs sons de Skyrock tous les dimanches. Pour bien terminer le week-end, c'est entre 18h et 20h. Cynic, le premier son avec lequel vous l'avez découvert sur Skyrock, c'était Cœur de Pierre. À l'instant, l'émission se poursuit tranquillement avec One Minute Man, c'est le son de Missy Elliott. Et P. Diddy juste après avec Dirty Money, c'est Hello Good Morning sur Skyrock. Et attention, d'ici, je pète les plombs juste après. Tonight, now follow my intuitions. What's your wish? See, I'ma keep you up all night for a long time. So start counting away. Wake me up, show me what you got. Cause I don't want no 1 minute man. Wake me up, show me what you got. Cause I don't want no 1 minute man. Cause I don't want no. Tonight I'ma give it to you. Though always to you. I want you to come prepared. Oh yeah. Oh yes. Boy, it's been a long time, a crazy long time. And I don't want no minute man. And that's real. Give it to me some more. Wake me up. Show me what you got. Cause I don't want no one minute man. Wake me up. Show me what you got. Cause I don't want no one minute man. Wake me up. Show me what you got. Cause I don't want no one minute man. Wake me up. Show me what you got. Cause I don't want no. It's time to set your clock back about as long as you can. I stop daylighting, ludicrous, the maintenance man. Get your oil changed, I check fluids and transmission. You 1 minute fools, you wonder why y'all missing. On the back of milk cartons and it's no rewards, no regards. Close, but it's no cigar. A hard head make a soft ass, but a hard dick make the sex last. I jump in pools and make a big splash. Water overflowing, so get your head right. It's all in your mind, punk, so keep your head tight. Enough with tips and advice and things. I'm big dog, having women seeing stripes and things. They go to sleep, start snoring, counting sheep and shit. They so wet that their body started leaking shit. Just cause I'm an all-nighter, shoot all fire. Ludicrous balance and rotate all tires. Classics, classiques, 18h-20h. Hello, good morning, let's go, let's go. Hello, good morning, hello, good morning. Know you've been waiting, Tim Forey, cause I seen you watching. So let's go. Let's get it poppin'. Cause I'll be leaning on the board, the container that is gone. These balls won't give me my pride. 25 on the bank, all of a sudden no names. Any man, cause the bitch won't stop. Got your boyfriend feeling like a groupie. You know we on that. Stand like this, looking like a movie. You know we on that. And everybody know who the truth be. You know we on that. I know cause I'm blowing up that movie. Hello, good morning, how you doing? Where the move here? Welcome to the future, I'm the captain of the cool kids. The revolution's never been televised. Great booty, better thighs, I ain't wanna tell her bye. First I tell her hi, then I give her one and let her fly. Never tell a lie, tonight you couldn't find a better guy. King shit, fly to anyone you can sing with. Gangsta distinguished, cool as a penguin. Got a team of a money, feel free to bring with. G5 waiting, fly away at my convenience. Your sing tip, checking in a five-star suite. With some five-star freaks, getting high all week. Catch me in the week, hours of the night when y'all sleep. In a fast car, super bad broads backseat. That's me, see I'm nothing nice. Fuck a couple nights till the moon say goodbye and the sun greeting us like hello, good morning. Let's go, let's go. Hello, good morning. Hello, good evening. You glow, you beaming. Cause you know that you really need it. Wake up and turn the lights on. I'm leaning on the board, the container that is gone. These balls won't give me my pride. 25 on the bank, all of a sudden no names. Any man, cause the bitch won't stop. Got your boyfriend feeling like a groupie. You know we on that. Stand like this, looking like a movie. You know we on that. And everybody know who the truth be. You know we on that. I know cause I'm blowing on that movie. You know we on that. Good morning, let's work. Hello, let's go. Good morning, let's work. Hello. Hey, yeah. Yeah, turn me up a little bit more. I don't think they can hear me. Check this out. Bad boy, bitch. Let's work. Come on.

He went from ashy to classy. All right. I like that. All right. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. Never been as broke as me, I like that. When I was young, I had two pair of leads. Besides that, the pinstripes and the gray, the one I wore on Mondays and Wednesdays. I'm so with tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside, huh? I see you later. Here come the drama. Oh, that's the with the fake. Why you punch me in my face? Stay in your place, play your position. Here come my intuition. Go in this pocket, rob them while his friends watching. Here comes respect. His crew's your crew, or they might be next. Look at their man, big man, they never try. So we roll with them, stole with them. I mean loyalty. Put me milks at lunch, the milks with chocolate, the cookies, butter crunch. 88, Oshkosh and blue and white duck, ask the blunt. You know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can keep on. But most of them saw. Even when I was wrong, I got my point across. They depicted me the boss. Of course, my orange box cut to make the world go round. Plus some say my homegirls now. Start stacking, dabbled in packing. Nickname Medina, make the scene took my Nina. From gym class to in glass, pass off for global. The only with a mobile. Can't you see like total? Getting larger and wasting taste. Ain't no telling where this felon is heading. Just in case, keep a shell at the tip of your melon. Clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gates, snatch initial nameplates. Smoking with real life, begin to kill us. Praying God forgive us for being sinners. Help us out. The sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. The sky is the limit, and we know that you can add what you want. The enterprise and I ain't have to be in school by 10. I then began to encounter with my counterpart to how to burn the block apart. Break it down into sections by these selections. Some use pipes, others use injections. Syringe sold separately, Frank the deputy. Quick to grab my Smith and like my was missing. To protect my position, my corner, my layer. While we out here, say the hustler's prayer. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand, put money in my mom's hand. Get my daughter this college plan, so she don't need no man. Stay far from timid, only make moves when your heart's in it. And live the phrase, sky's the limit. Limit. See you trumps on top. Yeah. Skyrock premier sur les sons légendaires entre 18h et 20h tous les dimanches. Skyrock Classics avec Notorious B.I.G. Sky is the limit. Ça fait super plaisir à Marge. Notorious B.I.G. Sky is the limit. Bravo pour votre nouvelle émission Skyrock, c'est génial. Et bah t'inquiète Marge, du gros son à écouter tous les dimanches. Et là avant 20h il y a deux sons à écouter encore. Naz, I can. I know I can. Be what I wanna be. Énorme carton US de 2002, en attendant de retrouver les nouveaux numéros 1 US. Avec Stéphane, ça se prépare, c'est à 20h, le hit US, les 10 bombes, les 10 sons les plus vendus cette semaine aux States. Naz, I can, à écouter, et pour les fans de rap marseillais, pour les fans de Star Wars, l'Empire du Côté Obscur signé IAM. Avec Naz, c'est ce qui arrive tout de suite dans Skyrock Classics. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec le Science ou pas trop, c'est Angela sur Skyrock. Poupée, des sentiers pour s'atteindre. C'est à nous qu'elle a demain matin. Ouais, c'est Billy quand je mets le turbo. J'adore quand tu me dis l'Iran et c'est toi le plus beau. Et des suites, je préfère celui qui me fait grimper au rideau. À n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous avec toi, on passera des moments très chauds. À chaque fois que tu te sens seul, n'hésite pas qu'on pose mon numéro. Et toi-même, tu sais que les voix plus sera très chaud. Angela me à bord du hound hound. Contraint je suis, contrainte. C'est par contrat moral qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes, dit solo. Homme de zouk, homme de soukous. Malhonnête coussi. Oui, si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est coussi, coussa la grossie, mais je mettrai un coup à ça. Doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong on that. Sniffing up drugs, all in the nose. Could've died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Boys and girls, listen again. This is for grown looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't wanna be my agent, can't read and write, begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be, I'll be where I wanna now, be. Go. I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be, I'll be where I wanna be. B, B, for

poil, fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes. Renverse les credos qui lui semblent erronés. Brise les traîtres de la tête au perronné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle rock sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Ce dernier pas en direction de la force obscure. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force? Oui, la force. Et ça, c'est le vrai Dark Vador. T'as vu, je le fais bien. Hein. Ouais, vachement bien. Ouais. Skyrock Classics. Tous les dimanches. 18h-20h sur Skyrock. Ouais, l'émission qui se termine à l'instant avec l'Empire du côté obscur. C'était Ayam, le son marseillais d'Ayam. À l'instant sur Skyrock pour terminer l'émission. Et là, on file dans le futur. Les futurs numéro 1 aux États-Unis. Les futurs cartons US. Ça se passe avec Stéphane. Comment ça va, Stéphane? Bah, grande forme. On est parti là, juste après cette nouvelle émission. On va savoir si Florida est toujours classé numéro 1. C'était lui le numéro 1 dimanche dernier pour le 8 US. Le sera-t-il cette semaine? Pas facile, hein, parce qu'il y a des nouveaux Drake qui sont rentrés. Il est rentré directement numéro 1 du 8 Skyrock. Drake peut-être le doubler tout de suite avec le US à découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Ciao, Maxime. Steph. Allez, on y va. 14h à New York, 11h à Los Angeles.